J'arrive sec, j'arrive déter. Marmo test, marmo check, marmo blesse, marmo vex, négro. Marmo laissera pas son cadavre sur le carreau, c'est carré. Qui a zo platine, les mesures sont surchargées. Dites à mon public, ils pourront sentir la puissance qui vient de ma poitrine, la arme, la force mentale qui décape. Vas-y, décale, négue, négro, guerriero qui témoigne. Ça taffe pro, ça tape gros, ça parle de game pour ma part. Ça c'est mon boulot, pète pas un boulon si ta femme crie mon négro. J'ai du respect pour mes rivaux, en tant que général, sachez, je me dois d'y arriver. C'est écrit dans mon futur, écoute mon lexique, apprécie ma texture. Forgé à base de texte pur, le flow est casse-cou. Les MC prennent la corde, j'ai creusé leur trou. 2012 c'est mon année, ex-dollar, j'suis pas cané. Revanchard de la vie, j'compte pas les laisser me ruiner. Négro Diox, c'est la voix d'un acharné. Attachez ma musique, laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer, négro Diox et KL Marmo. 2012, pièce maîtresse, tu voulais du lourd, tiens voilà de l'or.